comme plus des années où cette passion m'anime. Loin d'un tsunami, je suis dans le creux de la vague, je suis moins de son lamé. Ce milieu me prend la tête, j'ai un pu compter les pédales. Perdu comme en cours d'algèbre, Zig voit tomber ses pétales. Le rap, une belle plante, morte à ses dépens. Comme dit Amaz, on est des graines de star, bonne à se faire tes plans. Il m'a pris mes plus belles années, mon adolescence, c'est pas trop récent. Faut le raviver, on a adolescence. Le rap français a toute une fleur fanée, frère, un bouc éterni. Ça tourne en rond, la boucle se termine. Des rives de prose, quand ma Zig a des épines et des piquants. Depuis quand cette rose noircie? Au fond, je me dis, c'est dépitant, j'dépite tant de pique. J'ai mis le temps, fils, tant de fric dans le vide. J'vois que des débiles en disent, les dérives en rime. Chiant, t'es pas le son, sa rose noire, son manque de passion. Au rap, j'ai vendu mon âme à 16 ans, guise de consécration. Notre musique, à l'âme d'une rose noire, frère. Un retour aux sources et on se la refait. Un bouquet de roses pour les funérailles. J'fous ses cendres à la merde, vos merdes ont fumé le rap. Notre musique, à l'âme d'une rose noire, frère. Un retour aux sources et on se la refait. Un bouquet de roses pour les funérailles. Les parents fumés, toutes les grosses de merde ont tué le rap. Vas-y que tu sans cesse, alors je me lasse, puis je craque et bois non. Je retire ma mine depuis un bail, tout comme je claque des doigts. Je deviens boiteux car je m'arrache et je tape d'arrache-pied. J'ai fait le con et putain de merde, j'ai fini par me racheter bêtement. Trop longtemps à squatter dans l'espoir. Et là je débite des phrases de merde à rapper sans espoir. Je parie ma vie comme un bookmaker. Tu sais mes doutes, mes peurs. Dirige mes goûts et rester sous le maker. A l'époque mon avenir n'était qu'un fond de bouteille. Que le dirty repose en paix sur un bon son de Wu-Tang. Je me dépêche d'en finir, on me dit ma foi pressée. Je regrette l'époque où chaignais le CD de mafia tressée. J'essaye de faire la ville de toutes ces fausses pensées. Mais je comprends rien, tout comme quand The Game pose français. J'ai trop perdu, à la longue j'ai gardé mes distances. Je reste pisse mais la douleur est là et je distance. Voici le bootleg d'un zonard, je te lâche un bout d'air d'un soda. Oublie, j'ai pas l'écriture d'un bout de l'air d'un sola. Alors je reste un gars haineux, c'est vrai qu'ils sont crades mes voeux. Donc je me joute au son, me fous sa drogue en intraveineuse. Faudra qu'on baisse la scène, ça se tape même quand ça perd la zeb. Depuis quand le rap a des disques d'or au père la chaise. Si loin d'un bras, ça sous chaque brel. Demande pas pourquoi ma femme me voit numéro 1 dans chaque rêve. Frère, ta musique fait tiep comme un flic de foire. Oui, on flippe de te voir nu avec ton rap de fille de joie. J'en place une pour mes renois que les contrôles dérangent. J'envoie pour le rap des roses et mes condoléances. On est le contraire de vous car on porte en nous nos armes. Allez écouter sur 10, y'a que des rocans courent au mic. J'ai encore billard, rendez-vous 6 pieds sous terre. Je sais que t'as dormi à j'gratte un 16 dans le fond d'un corps billard. Notre musique, à l'âme d'une rose noire, frère. Un retour aux sources et on se la refait. Un bouquet de roses pour les funérailles. J'fous ses cendres à la merde, vos merdes ont fumé le rap. Notre musique, à l'âme d'une rose noire, frère. Un retour aux sources et on se la refait. Un bouquet de roses pour les funérailles. Les parents fumés, toutes les grosses de merde ont fumé le rap. J'arrête du bas en pouce, bah ouais. Avant que le rap me mette la douille, déçu. Mais pas pire que mon double, tous des charlatans. Et te parle d'être déçu par la France. Te parle de gueule mais tire des balles à blanc. Ils veulent braquer la BNP, ils savent pas gérer un BPM. Laisse-les dans leur clip, c'est même pas leur BM. J'ai essayé pas raconter trop de cailles, de rester calme face à ces fiottes sur Sky. Mais bon c'est taille donc je ferai pas de détails. Le rap fatigue, trop d'MC sont factices. Je vais me faire sucer par Fanny et me barrer de la ville. Mais bon, maintenant que j'y suis faudrait que j'y reste. Leur laisser que des miettes sans savoir où cela me mène. J'ai trop donné de temps, trop donné de thunes. On m'avait dit rentre pas dedans car beaucoup donnent leur cul. Même si ça ramène pas de fond, je ferai ça par passion. Ou je te vendrai de la fraîche comme mon gars passe. Notre musique, à l'âme d'une rose noire, frère. Un retour aux sources et on se la refait. Un bouquet de roses pour les funérailles. J'fous ses cendres à la merde, vos merdes ont fumé le rap. Notre musique, à l'âme d'une rose noire, frère. Un retour aux sources et on se la refait. Un bouquet de roses pour les funérailles. Les parents fumés, toutes les grosses de merde ont tué le rap.